Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Gironde Analyse sur RIG en 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble jusqu'à 23h comme tous les lundis, tous les vendredis, l'émission 100% supporter pour débriefer l'actualité des Girondins de Bordeaux. Et ce soir, une émission que je qualifierais d'assez exceptionnelle puisque nous n'en avons pas un, pas deux, mais trois invités en studio. Ouais, mais là, tu vois, Marc, si t'es debout sans micro, ça va pas le faire parce que j'entends strictement rien. Donc je disais, trois invités. J'ai dit vendredi, tu en avais quatre. Oui, bah oui, on peut pas. Voilà. Trois invités ce soir en direct avec nous. On va vous les présenter dans quelques instants. Autant vous dire que l'émission sera. Voilà, première heure. On va parler d'un jeune joueur des Girondins de Bordeaux qui évolue en 19 et en CFA2 et en deuxième heure. On vous parlera du très beau bouquin écrit par Laurent Brun et Julien B. Supporters, la fabuleuse aventure des supporters des Girondins de Bordeaux. On va faire une présentation de l'équipe très rapide avant de passer à nos invités. Avec moi ce soir, il y a Cyril. Bonsoir Cyril. Bonsoir tout le monde. Ça va mon grand? Ça va, tranquille. Ah, également présent Thomas. Ça va Thomas? Ça va et toi? Ça va le lumbago? Bien. Tranquille, ça va. Thomas, c'est quand même le seul gars, il tente une frappe du droit, il se pète le dos. Pas mal. Ça arrive sur des problèmes au dos. Ouais. Alexis est également présent ce soir. Bonsoir Alexis. Bonsoir messieurs. Ça va mon petit bonhomme? Très bien. Bon, toi t'as pas de problème de frappe du droit? Non, ça va, merci. T'es peinard. Main droite par contre. Ouais. Ouais, mais là c'est du hand. Également avec moi ce soir, tu vas faire juste coucou comme ça, c'est Adrien. Coucou. Coucou. Et Marc également, quand t'auras fini de tout trifouiller. Tiens. C'est pour notre jeune invité pour qu'il s'imagine dans 10 ans quand il y aura son masque sur la table. Il y a Laurent qui vient de se rendre compte c'est que le J+1 nous a copié. On nous a spoilé les masques, c'est un scandale. Allez, on va commencer. Je vais commencer par vous présenter premier notre. Premier avoir un masque du diabaté, c'était nous. Notre premier invité du soir, c'est Jules Koundé. Bonsoir Jules. Bonsoir à vous. Comment ça va Jules? Ça va très bien et toi? Ma foi, bien, merci, merci. À une semaine d'un match assez important, on va dire, voire très capital. Important, voire capital. Ouais, hein, pressé, excité de jouer ce match. Puisque vous jouez la finale. pardon. La finale de championnat. Du championnat de France. Voilà. Merci beaucoup, je vais y arriver. C'est samedi. Non, c'est dimanche. C'est dimanche. Dimanche. Dimanche à je suis fait. Présent, t'inquiète. On place. Tu vas voir. Julien, il va voir ce que c'est des vrais pros. Tu vas voir. Oui, Jules, pardon, excuse-moi. Ouais, dimanche à 16h, je crois, contre Le Havre à Saint-Nazaire. Et sur Canal Plus Sport. Voilà, et c'est, ouais, voilà, c'est surtout ça. Important, ça sera diffusé sur Canal Plus Sport. Donc pour tous ceux qui voudront voir nos jeunes battre le Havre, ça sera dimanche après-midi. À tes côtés, ceux qui vont partager 2 heures avec nous, vous les connaissez forcément. Deux stars du micro. Allez, qui veut que je commence par qui? Le plus jeune ou le moins? Bon, allez. Ou le moins vieux. Laurent Brun, bonsoir. Bonsoir à toutes ça et va, à tous. Ça va Laurent? Ouais, ça va, merci. En pleine période marathon, promo, interview de partout. Ouais, vous étiez samedi à la foire. Je vous ai vu à France 3. Ouais, vous êtes passé partout. On va. CNN, tout. CNN, ouais. Et à ta gauche, ton compère et ton complice sur ce coup-là, c'est Julien B. Bonsoir, Julien. Bonsoir à tous. Julien, pareil, alors bon, je vous présente plus ni l'un ni l'autre, hein, pour tous les gens qui nous écoutent et qui sont passionnés des Girondins, Julien Bec, vous retrouvez sur la radio Gold FM. Officiel. Voilà. Exactement. Et Laurent, que vous pouvez lire dans un excellent magazine qui s'appelle Foot. Et puis pas mal d'autres. Puis Gold. Jules souvent pour Girondin TV. Voilà, et sur Girondin TV aussi. On va revenir avec vous en deuxième heure donc sur le bouquin que vous avez sorti sur les supporters. On en reparlera en deuxième heure. Et ben, on va attaquer directement Cyril, puisque je sais que ça te. Ah ben oui, ben moi c'est. T'es chaud bouillant sur. C'est peut-être le seul titre de la section. Peut-être le deuxième titre de la section masculine. Donc oui, puisque les filles ont gagné ce week-end la. Et les garçons aussi ont gagné la Coupe d'Aquitaine. Les filles disent. C'est pas encore fait et c'est la finale. Bon, bah alors. Vous allez peut-être être le premier titre. Non. Vous allez peut-être être le premier Attends, titre. Attends, tu m'as dit quoi tout à l'heure? Les U11, ils ont gagné quoi? Les U11 ont gagné ce week-end, aujourd'hui un tournoi. Tournoi d'Angoulême. Voilà. Bah, exactement. que tu vois. Donc, bien rattrapé, bien rattrapé. Ah, mais on est pro, on est presque bon. On est pro. Non, mais... Ah, juste, excuse-moi. Je rappelle, si vous voulez appeler en direct pour poser une question, alors de préférence en première heure à Jules, en deuxième heure à Laurent ou Julien, 05 56 35 31 31. On a des beaux jingles exprès. Ouais, ben. Non, il les assume pas. En deuxième heure. Oui, non, là, pas trop, non. En deuxième heure. Génial. Donc, bonsoir, Jules. Donc, bonsoir. Je vais te présenter rapidement. Donc, capitaine de la CFA2, capitaine des U19, ce week-end, enfin, il y a 15 jours contre Nancy. Donc, du coup, tu es défenseur central. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait combien d'années que tu es au centre de formation des Girondins ? Et il me semble que tu arrives de l'Andiras. Donc, comment s'est déroulée ta formation ? Ben là, je termine ma quatrième saison au Girondins. Je suis arrivé en première année de centre, en U17 régionaux. Voilà, je suis plus au centre maintenant, je suis avec la réserve. Et voilà, ça, depuis 4 ans, ça se passe très très bien. J'ai beaucoup progressé et puis voilà, je suis content d'être là où je suis. D'ailleurs, il t'est arrivé un épisode assez hors du commun puisque tu as connu ta première convocation en professionnel en Coupe d'Europe parce que tu étais un des rares, il me semble, à être admissible oui, ce jour-là. Oui, c'est ça. C'était en 2015, décembre 2015, je crois, contre le Rubin Kazan à Bordeaux. Je sortais du collège quand on me l'a appris, quand le surveillant m'a appelé. Donc voilà, j'étais. Tu allais dans le bureau du CPE. j'étais surpris et puis j'étais tout heureux. Donc voilà, c'était vraiment une expérience incroyable, même si je suis pas rentré. Tout le monde était content et moi le premier. En petite honnêteté, est-ce que tu t'es vraiment dit il y a une chance que je rentre ou tu t'es dit bon, je vais bien faire le nombre et puis. On sait jamais ce qui se passe, il y en a 15 qui se blessent. Mais bon. Au début, je pensais pas du tout à rentrer, j'étais juste content d'être là. Et puis au fil de la rencontre, je me suis dit bah, pourquoi pas. Et puis bon, il a fait un changement avant la fin, un changement, il a fait rentrer un attaquant. Et puis voilà, je me suis dit bon, tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Et comment ça s'est passé ta semaine du coup avec les pros, ta préparation, comment t'as préparé du coup à ce match? Parce que j'imagine que à 17 ans, on doit avoir un petit peu les chocottes. Ouais, bah en fait, j'ai pas fait toute une semaine parce que j'ai appris que j'allais m'entraîner avec les pros la veille du match, en fait. Donc voilà, j'avais les yeux qui brillaient un peu à l'entraînement. J'étais timide, voilà, réservé, j'osais pas trop me montrer. Mais voilà, ils étaient cool avec moi, donc ça s'est bien passé. Je l'ai préparé assez sereinement. Puis voilà, j'étais excité, mais voilà. Et puis derrière, tu as connu tes premières convocations avec la CFA, donc CFA puis CFA2. Cette année, tu as été le capitaine de la CFA2. Tu prends de plus en plus d'envergure et il me semble que pour le 26 juin, si je ne me trompe pas, Julien, la date de la reprise, tu reprends avec les pros. Donc, c'est quand même un signe très encourageant pour ta carrière future. Ah oui, c'est sûr que voilà, suite à mon premier groupe pro, j'ai commencé à jouer avec la CFA le week-end d'après. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. J'ai terminé la saison avec eux. Puis cette année, j'en ai démarré une nouvelle, voilà, même si on est descendu. Ce qui est dommage, voilà, j'étais content d'être capitaine de cette équipe. On a fait une saison, on va dire mitigée, où on a très mal commencé, puis après on s'est rattrapé pour craquer sur la fin, ce qui est aussi dommage puisque voilà, on espérait remonter en CFA, mais bon, ça sera sûrement pour l'année prochaine. Voilà, je suis content d'avoir ces responsabilités là, c'est important, je trouve. Et puis voilà, j'espère que l'année prochaine sera encore meilleure. T'as pu t'entretenir un peu déjà avec Gourvennec ou c'est encore trop tôt pour... Non, c'est encore trop tôt. Encore trop tôt. T'as pas eu de... Non, rien. Non, pas de conversation particulière, juste voilà, pendant les entraînements, des mots, mais rien de plus. D'accord. Il y a pas mal de ta catégorie justement qui vous commence à intégrer. Donc je pense à Zaïdou, peut-être à Gaëtan Poussin qui devrait aussi faire partie de la prépa. Donc cette génération-là commence un petit peu à marquer les esprits. Avant cette finale, est-ce que vous sentez qu'il y a une pression particulière et une attente particulière sur cette équipe-là? On sait que voilà, ces deux générations 99-98 où on fonde pas mal d'espoir au niveau du club, parce que voilà, on a des bons résultats, du talent. Oui, du talent aussi, c'est sûr, du talent, beaucoup de talent même. Donc voilà, on sait que le club s'appuie, mais après il n'y a pas de pression particulière pour ce match parce que c'est le coach nous dit que voilà, c'est que du bonus, c'est pour nous. Le club, l'objectif du club, c'était de jouer les playoffs cette année, puisque voilà, on savait qu'on avait l'équipe. C'était affiché. Oui, c'était affiché. C'était affiché. Puis voilà, nous, l'année dernière, on les a loupés de peu. Il y a deux ans, du 17 NAS, on les avait déjà fait. Voilà, c'est des expériences qu'on a envie de renouveler le plus souvent possible. Donc c'était affiché, on y est. On a passé les demi. Voilà, maintenant il y a une finale, donc forcément on va jouer pour un. Pour rappel, gagner. Dans la catégorie U19, il y a deux ans vous aviez joué le PSG, et il y a c'était la génération Augustin, Iconé, Georgène et compagnie. C'était un U17 NAS, c'était pas, il n'y avait pas Augustin, avait... c'était génération non, ouais, 98. Il y avait Iconé, il me semble. Ouais, il y avait Iconé, il y avait Doucouré, il y avait aussi Edouard, voilà. Il y a quand même, enfin, c'est quand même une grosse, grosse génération en France, cette catégorie-là. Et le fait d'être arrivé déjà en play-off et d'avoir éliminé Nancy et arrivé en finale, c'est quand même une grosse, grosse performance. Sur ce match-là, d'ailleurs, tu étais capitaine, tu marques le but. Alors, comment tu vis le but? C'était étonnant, Cyril. Non, je l'ai vu à la télé, parce que c'était sur FFF TV, donc c'était accessible à tout le monde. Mais bon, moi, je vois le but, je me dis jamais, il y a but. Mais ouais, mais comme le commentateur a dit, après le but, voilà, il est litigieux, parce que moi-même, je place ma tête suite à une sortie manquée du gardien, mais bon, la balle, elle est sauvée sur la ligne. Donc moi, en fait, je continue mon action. Je pensais pas du tout que l'arbitre allait siffler but. Et puis, il y a le juge de touche qui a signalé très vite. Et que voilà, l'arbitre central l'a écouté. Donc, alors que le ballon n'est pas rentré. Ben en fait, c'est difficile à dire parce que il y a le ralenti, en fait, il est pas derrière le but, en fait, on voit que devant, donc c'est difficile à dire. Bon, évidemment, le joueur de Nancy dit qu'elle est pas rentrée, mais c'est vrai que moi j'aurais tendance à dire qu'elle est pas rentrée non plus. Mais bon, l'arbitre a... C'est honnête. C'est honnête. Ben en fait, honnêtement, personne. De toute façon, maintenant, ils pourront plus rien changer, donc tu peux. Ouais, dire. Ouais, c'est trop tard. Non, c'est trop tard. C'est trop tard, mais ouais, il est un peu litigieux, mais bon, Compte. Hein. Ça compte. Et puis, une fois que vous avez marqué, derrière, vous avez commencé à reculer jusqu'à. Et vous avez souffert vraiment sur la fin de première mi-temps. Nancy a été très offensif et a réussi à marquer sur une attaque rapide et un centre en retrait. Ouais, c'est vrai qu'après ce but, on a commencé à subir. On avait fait une bonne entame. Et puis voilà, après ce but, ils ont commencé à mettre leur jeu en place. Nous, on avait beaucoup de mal à ressortir les ballons, à développer notre jeu, c'est-à-dire un jeu de passe. Donc on envoyait souvent des ballons longs, même si on a des joueurs devant quand même qui sont capables de les garder. On s'est fait vraiment dominer, je dirais, de la 10e vers la 35e minute, où voilà, ils étaient offensifs. Ils marquent un joli but sur... pas un compte. Enfin, ça, il y a très peu de passes, mais voilà, ils finissent bien et on a pas mal subi durant cette première mi-temps. Je veux juste préciser une petite chose avant de donner la parole à Thomas. Sur les gens sur le chat, s'il vous plaît, si vous avez des questions pour Jules, envoyez-les en message privé, ça sera beaucoup plus simple pour moi pour les relayer. Sur Direct EGA. Ou sur Direct EGA, sur Twitter aussi. Mais voilà, pour les gens du chat, s'il vous plaît, mettez-les en privé, ça sera beaucoup plus facile pour moi de faire passer. Thomas. Ouais. Moi, je voulais juste savoir, justement, par rapport au match contre Nancy, quelles avaient été les consignes de Dogon, parce que juste après le but, voilà, comme tu l'as dit, jusqu'à la 35e, voire 40e, ça a été quand même assez difficile de ressortir, justement. Mais ça a été quoi, les consignes du coach? Déjà, il nous a corrigé sur le placement, notre placement défensif, notre replacement sur certaines situations, où, notamment au milieu, où en fait on était trop alignés, donc on se faisait transpercer. C'était ça le gros problème, et c'est la raison principale pour laquelle on a autant subi pendant cette première mi-temps. Puis après, il nous a dit que voilà, de continuer à jouer, surtout de rien lâcher, parce qu'il n'y avait que 1-1, même si on était dominé, voilà, il n'y avait pas de raison de lâcher. On était quand même bien dans nos têtes, on ne sentait pas. Voilà, on ne sentait pas en dessous. Et puis voilà, en deuxième mi-temps, on est revenu. Et puis en fait, ils étaient. On a réussi à mieux jouer. On était mieux placés au milieu. Voilà, plus d'agressivité. Donc c'était beaucoup mieux. Et on a dominé cette deuxième mi-temps. Moi, j'ai une question sur le plan personnel. Parce qu'en U19, donc il y a Dogon qui coach. En CFA2, c'est Baptiston. Qu'est-ce qui t'apporte à toi? Déjà leur expérience, même si ils en parlent pas, ils s'en vantent pas, ils en parlent pas, ils ramènent pas tout à leur expérience, mais voilà, c'est des coachs qui ont eu un passé en tant que joueur très important quand même, et donc ils savent de quoi ils parlent, et donc c'est bien d'écouter leurs conseils. Ah, alors juste parce que j'ai une question qui sur le chat qui se rapproche un petit peu de ça. On a Tché sur le chat qui nous dit petite question pour Jules, quel joueur pro lui apprend le plus de choses quand il s'entraîne avec le groupe ? Alors, en gros, avec quel joueur pro t'as le plus de discussions sur ton poste sur... Je dirais en termes de professionnalisme, c'est intéressant de regarder Yaro Plazy, puisque voilà, il est vraiment très très pro, il récupère bien, c'est vraiment un exemple. Younous Sankaré aussi. Prennent le temps de parler. Younous Sankaré, prend le temps de parler. Yaro aussi, dès qu'il peut te donner des conseils, il donne très gentiment. Donc j'aime bien ces deux joueurs. Sur la deuxième mi-temps, il y a eu un fait qui était très important, c'est que c'est en Canet-Roussillon, il fait très très chaud. Donc physiquement, vous avez, on va pas dire bouffer Nancy, mais quasiment de la 45e à la 80e, et puis a commencé à apparaître un peu les crampes et compagnie. Bordeaux-Nancy, ça joue à Canet-en-Roussillon. Ouais, mais c'était là qu'avait les demi-finales en fait. Voilà. Un peu. Et du coup, cette chaleur-là, comment vous êtes arrivé à gérer cette chaleur-là et du coup à développer votre football, puisque pendant 35 minutes, vous avez vraiment dominé nettement Nancy, qui eux étaient aux abois dès le début de la reprise. Ouais, c'est vrai que après, je pense qu'on était très bien préparé à ce match-là. On était fort physiquement en arrivant, même en première mi-temps, même si on était dominé, on était fort physiquement, on sentait bien. Après, il y avait la pause fraîcheur aussi au milieu de chaque mi-temps, donc ça aide à bien récupérer. Mais voilà, c'est vrai que ils ont flanché physiquement, et nous, comme on était bien, voilà, on les a dominés quasiment toute la deuxième mi-temps. Après on gère comme on peut, hein, les crampes ça vient assez subitement, donc c'est difficile de les anticiper, mais on s'en est plutôt bien sorti. Bon, à la fin du match, beaucoup de joueurs étaient crampés, mais bon, la victoire était au bout, donc c'était l'essentiel. On a reçu quelqu'un ici qui est sorti mais complètement rincé, crampé, c'est Lucas Dumé qui a fait une grosse partie au milieu de terrain, ouais, et qui a fini le match il n'en pouvait plus, il avait plus de jambes. Et du coup, est-ce que Dogon, pour faire le choix, du coup, puisque ça s'est joué au penalty, est-ce que la fraîcheur physique est rentrée en compte pour les tireurs ou pas? Oui, forcément. Après, il y a des joueurs qui se sentaient pas tirer. En fait, fraîcheur physique, oui, même s'il y avait des, je pense qu'on était quand même assez tous fatigués, mais voilà, il y en a qui étaient plus confiants que d'autres pour aller tirer, donc c'est eux qui sont allés tirer, mais voilà. Et de base, est-ce que juste vous savez qui va tirer, vous dites à peu près Non, du tout. C'est, enfin, okay. En match, dans le match même, généralement, il y a un tireur qui est désigné. Enfin, deux ou trois tireurs qui sont désignés. Mais après, avant, pas du tout. Pas d'accord. Du tout. Et on vous n'avez pas anticipé, c'est au feeling. D'accord, vous n'avez pas spécialement d'entraînement vis-à-vis de cela pour être au cas où préparé si la veille, enfin moi par exemple, j'ai tiré quelques pénaltys, et au cas où, on y pense toujours, même si on espère gagner avant le terme, je me suis entraîné avec certains à tirer des pénaltys. Et puis Super Gaëtan Poussin qui fait une séance de tir au but à la hauteur du match, parce qu'il a fait un match énorme. Petit aparté, Gaëtan Poussin qui est international U19, donc voilà. Du coup, comment excusez-moi. Hop là, au passage. Voilà. Et du coup, toi, est-ce que tu as connu les sélections ou pas? Non. T'as jamais été repéré par la Fédé? Non, jamais fait aucune sélection. Aucune, non, zéro. Donc, petit message l'année prochaine pour les U20, si. Ça, c'est sûr que ça serait un plaisir. Après, voilà, ça, je me prends pas la tête. Non, mais parce ça viendra, ça vient. Dimanche, on va rappeler quand même un fait important pour le club, puisque le club n'y a jamais participé. Si jamais Bordeaux gagne le championnat, Bordeaux aura accès à la Youth League, ce qui est un fait. Ouais, au tour préliminaire. Oui, enfin, d'ailleurs, c'était une info sur Gold FM qu'ils ont posté aujourd'hui. Donc. la Youth League, c'est quand même la compétition de jeunes par excellence. C'est ouais, celle c'est que j'imagine en rêve forcément. Ouais, c'est sûr que tout le monde a très envie de la jouer. C'est la Champions League des jeunes, donc forcément ça donne envie. Hein. Il y a des grosses équipes, même si d'après ce que j'ai vu au début, on est séparés en deux. D'un côté, ceux qui sont qualifiés grâce à leur club, leur équipe première, et puis de l'autre côté, ceux qui ont gagné le championnat. Mais ouais, c'est sûr que ça donne envie, même de jouer contre des clubs étrangers, peu importe, ça donne envie, c'est une compétition. Oui, il faut expliquer aux gens que la Youth League, c'est la même chose, les mêmes poules que la Ligue des Champions. Il y a 64 clubs. Voilà, donc la Ligue des Champions classique qu'on connaît, sauf que c'est les équipes de jeunes. Donc vous avez toujours les mêmes matchs en pro, mais chez les jeunes, et plus après, donc viennent se rajouter. Ceux qui sont qualifiés. Ceux qui sont qualifiés par le biais de leur. Tu me disais tout à l'heure, avant l'émission, que. Tu pourrais participer, si on faisait appel à toi, à cette compétition-là, si elle se jouait. Donc, il y a quelques dérogations. Enfin, apparemment, il y a quand même... Bah, il me semble que c'est 3-4 joueurs de moins du 20, enfin, du coup, de ma catégorie, qui pourraient la jouer. Donc après, voilà, on est 3-4 joueurs sur, je sais pas combien on est, on doit être 8, 98, ça fait beaucoup, mais bon, c'est sûr qu'on espère, tout le monde pourra pas la jouer, mais j'espère la jouer. Oui, c'est comme font les pros des fois avec la CFA, de redescendre de temps en temps. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Bah ouais, merci. Ça aurait de la tronche. Tiens, juste moi, j'ai un message juste de la part d'un auditeur. Ouais, donc, Beau Biscuit, pour Jules, est-ce que. Tiens, on l'a vu samedi. Est-ce que quand tu étais à la Bred, tu imaginais un jour être au Girondin, sachant que tu as été recruté assez tard, donc il vous envoie la bise. Il a joué avec toi, c'est ça? Ou contre toi, il a joué contre toi. Il était à l'Aige Cap Ferré. Ah. Et qui dit, il t'écoute, maintenant lui il est sur le canapé, toi t'es là. Je m'imaginais non au début quand je suis arrivé en U13, non je m'imaginais pas. Après c'est vrai que au fur et à mesure, je crois que c'est à partir de U14 que voilà j'ai commencé à faire partie des sélections d'un premier temps département, puis après à l'Aquitaine où avec laquelle j'ai notamment joué la Coupe nationale. Donc c'est vrai que ça s'est fait petit à petit. Je pensais pas forcément jouer au Girondin, mais c'est vrai que c'est devenu un objectif à partir du moment où j'ai connu la sélection d'Aquitaine. Je me suis dit pourquoi pas voilà rentrer dans un centre de formation et pourquoi pas un jour jouer professionnel. J'ai une question un peu qui va te paraître peut-être un peu bête, mais dimanche le match est diffusé sur Canal Plus Sport. C'est quand même autre chose que FFTV ou... FFTV, je pense que... Ouais, mais enfin... Ouais, c'est Canal, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est ouais, avec tout ce que ça comporte de tout le barnum qui va avec, machin, tout ça. Est-ce que ça compte quand on est jeune comme toi, enfin toi et tes collègues, est-ce que ça compte ou on s'en fout, on est, Non, on fait pas gaffe. Honnêtement, on fait pas attention. Ça permettra peut-être à des proches qui peuvent pas être présents de regarder le match, mais non, nous on s'en préoccupe pas. Ça n'est pas une pression, non, rien. Non, du tout. Attends, Jules, il a l'habitude de Girondin TV, alors c'est pas Canal quand même. Et ouais, non, mais qui a foutu nous, le bordel, ça nous paraît tellement. Enfin, ouais, bon. Nous, ça nous paraît tellement. Tu vois ce que je veux dire de dire. Ne serait-ce que quand on joue entre nous, un vieux foot 5 pourri entre potes, tu vois ce que je veux dire. Mais quand il y a la caméra, déjà pour se regarder. Voilà, c'est ça que je veux dire. Non, ça... c'est vrai, c'est bien, voilà, parce qu'il va y avoir plus de gens qui vont pouvoir regarder, mais voilà, on s'en préoccupe pas plus que ça. Puis c'est bien, ça va vous donner une belle. Ça vous fait une bonne exposition, ça vous donne l'occasion de montrer vraiment au plus grand nombre que... Déjà, il y a 15 jours, c'était énorme, apparemment. Il y avait beaucoup de personnes du football. Ouais, non, c'est sûr que voilà, les matchs comme ça, on va dire, de très haut niveau pour notre catégorie, c'est sûr que voilà, ça, il y a une exposition qui est différente de quand on joue en championnat. Mais, donc, c'est bénéfique pour tout le monde, pour le club, pour les joueurs, voilà, pour tout le monde. Julien ? Ouais, j'ai une question. Donc Jules va jouer ce match important pour les U19. Est-ce que dans le coin de ta tête également, il y a la finale de la Coupe d'Aquitaine à jouer avec les joueurs de Batiston? Ce sera le 10 juin, 18h30. Ouais, je vais les soutenir. En plus, je pourrais pas le voir le match. Je sais pas s'il est diffusé, mais ouais, je vais les soutenir avant de partir pour jouer la finale du championnat de France, puisque je pense que c'est ce que je vais jouer. C'est le 3. C'est le 3. C'est le 3, c'est le 3, pardon. J'ai dit le 10, c'est le 3. Match retour le 10. C'est la veille. Juste avant notre match. C'est la veille. On va pas la jouer. Oui, bah oui, c'est la veille, c'est sûr. Ouais, ouais. Quoi, tu peux pas faire deux matchs en deux jours? Ah, c'est compliqué. Franchement. Téléporter. Franchement. Non, mais forcément, tu vas avoir un petit. Ouais, bah oui, forcément, je vais avoir une pensée, puisque c'est mon équipe. Voilà, j'espère qu'ils vont gagner, mais je me fais pas de soucis. C'est la fin de la saison, mais voilà, il va pas y avoir de relâchement. Ils ont tous envie de gagner cette compétition. Ça peut être un bon petit week-end chez les jeunes, là, mine de rien. Ben ouais. En plus, des filles U19 qui ont. C'est le dernier match de pas mal, en plus. Donc, c'est le dernier match de pas mal dans cette équipe-là. Ouais, aussi. Ouais, c'est vrai que c'est le dernier match. C'est le dernier match pour beaucoup qui sont pas gardés. Donc voilà, ils vont avoir envie de finir sur une bonne note. Donc voilà, je pense que ça va être un bon match. J'espère la victoire. Est-ce que tu peux leur faire une dédicace? Enfin, pas une dédicace, mais on va pouvoir le dire. Ouais, non, mais il y a vraiment des gars qui ont marqué l'histoire du club. Moi, je pense à Sofiane Valla, enfin l'histoire des jeunes, pas l'histoire du club. Mais je pense à Sofiane Valla qui est là depuis 3 ans. Alex Brucato qui est aussi très présent pour les supporters sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quand même des gars qui ont marqué un petit peu l'histoire. Oui, Albert Macadi. Donc, Ah ouais, c'est sûr. Bah, big up à eux. Hein. Big up à eux, surtout à Soso. J'ai une question sur le chat, c'est Curieux40 qui nous dit question pour Jules, à quel poste t'as-t-on convoqué chez les pros et à défaut, quel poste occupes-tu à l'entraînement avec eux? Le poste que j'occupe avec eux. Est-ce que t'es polyvalent ou est-ce que ouais, je suis polyvalent. Mon poste préférentiel, c'est défenseur central, puisque c'est celui auquel j'ai évolué depuis un très long moment. Mais c'est vrai que quand je suis appelé chez les pros, je joue plutôt à droite. Plutôt latéral droit. Au début, j'étais pas très j'étais pas ravi de jouer ce poste, surtout que personnellement je me trouvais pas flamboyant à ce poste là mais bon, j'ai appris à le voir différemment, à le voir plus positivement, donc je suis content. De toute façon, peu importe le poste où je joue, je suis toujours content d'aller en pro. Par rapport à ça, est-ce que tu as une idole justement par rapport à ton poste? Rien de droit. J'ai un joueur. On a encore droit à la question d'Adrien. sur le chat, j'ai Poco, le Zizou gabonais. Alors, bon, y a quelque chose. Savoir Adrien, qui est fan de Poco, faut le savoir. Question pourrie. Quel est le joueur que tu prends pour modèle? Voilà. C'est moi, le joueur que je prends pour modèle, c'est ça fait un moment. C'est que je viens de percuter que c'est toi. C'est Raphaël Varane. Ah, c'est mon joueur. C'est mon joueur préféré. Va. Après, un petit jeune voilà, après j'aime beaucoup aussi Sergio Ramos, Jérôme Boateng. Contrairement aux filles, tu vois, je connais. Oh, ça va, elles en avaient des connus, franchement. Oui. Elles en avaient des connus. Qu'est-ce qui te plaît dans le jeu de Varane? Dans le jeu de Varane, c'est sa finesse technique. Il voit très vite. Voilà, il est bon dans les duels, même si souvent on le trouve un peu tendre. Mais moi, je trouve pas spécialement qu'il soit tendre. Puis voilà, c'est vrai qu'il est précoce hein, puisqu'il a débuté très tôt. Moi, je trouve qu'il est vraiment complet. Il court vite, il est bon de la tête, il a les deux pieds, jeu long, jeu court. En tout cas, je te souhaite d'avoir l'élégance de Varane quand il joue défenseur et la percussion de Sergio Ramos sur les corners. Ah, mais merci. Là, c'est vrai, bon. C'est vrai que la combinaison des deux, c'est vrai que c'est et les tacs de Marc Planus. Ouais. Surtout t'évites la coupe de cheveux parce que. Mais déjà non, Jules, oui, vas-y, il a un très bon jeu de tête aussi. Donc c'est vrai que. Tiens, j'ai je vu. Sais pas si tu le travailles, mais en tout cas bah, tu as une détente sèche importante. Ouais, j'ai une bonne ça, détente. Pense, ouais, j'aime beaucoup. Ouais, bah, quand on est défenseur généralement, enfin du moins dans, je ah, suppose. Tous, hein. Ouais, peut-être pas tous, mais bon voilà, je pense que c'est un critère quand même important d'aimer la tête quoi. Et j'ai vu sur une interview que t'avais donnée à, je l'ai sous les yeux, c'était à je ne sais plus quel média. Enfin j'ai la bref sous les yeux, où tu disais que tu mesures 1m78 et que tu te trouvais trop petit pour évoluer bon, dans l'axe. J'ai grandi depuis. Il y a longtemps. Non, c'est là, ben non, même pas, mais bizarrement, je me suis fait mesurer il n'y a pas longtemps. Ah, c'était le 16 février 2017. Et ouais, mais il faut croire que j'ai passé la barre là. Maintenant, je fais un 80 et demi. Ah ouais. Le demi est très important. Ah, très important. Et hors taxe en plus. Non, en fait, je me trouve pas trop petit parce que pour moi, il n'y a pas de taille, voilà, il n'y a pas d'handicap, peu importe la taille qu'on fait, c'est ce qu'on fait avec ses pieds, avec sa tête qui compte. Mais c'est vrai que des fois, ça peut peut-être être un frein, notamment quand on joue défenseur central, de mesurer que 1m80, même si c'est pas petit en soi. Même si on voit souvent, que ce soit en pro ou quoi, des joueurs grands par la taille. Bon, le plus connu à Bordeaux, après, évidemment, c'est Cheick Diabaté. Ouais. Mais c'est bien d'être grand, mais un défenseur qui est plus petit peut tout aussi bien te... Bien sûr. Il y a par exemple Mascherano, même Umtiti, voilà, qui est en train de faire des bonnes choses, qui fait à Bordeaux 80 aussi. Sachant que Cheick Diabaté, c'est pas un très bon joueur de tête en plus. Hein. Oui, c'est pas. C'est pas sa spécialité. C'est un mec qui ratisse. Il culmine assez. On n'est pas obligé d'être un grand défenseur, une armoire à glace pour. C'est vrai que l'un dans l'autre, ça peut se compenser. Par exemple, il y a des joueurs qui sont très grands, mais qui sautent pas forcément haut, et des joueurs qui sont un peu plus petits et qui sautent très très haut. Et donc l'un dans l'autre, ça se. Il y a Lizarazu qui disait dans un reportage que justement lui, qui était petit, travailler ça la détente, vu que sur tous ses adversaires qui lui mettaient 10 cm d'écart, ouais, il le voyait pas venir et lui pouvait mettre un gros impact physique et tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est important de le travailler, je pense. Peu importe la taille qu'on fait, c'est bien de. Je pense que c'est toujours un plus de sauter haut. Je pense à c'est Henri Sébé qui était pas très grand, qui avait une très bonne, enfin qui était très très bon de la tête. Est-ce que tu travailles avec la potence? Elle est toujours en activité ou Oui, elle est toujours en activité. Non, on travaille pas spécialement avec. Plutôt en salle avec des exercices, notamment des squats par exemple, ou même des sauts. Voilà. Mais elle est toujours en. Elle est toujours là. Ça, c'est juste pour vous psychologique, tu vois. C'est dans un coin du truc, ça reste. Ah ouais, la potence, c'est je peux les gars. Dire qu'il y en a quelques-uns qui en ont fait des cauchemars. Hein. Et toi, actuellement, tu joues donc en CFA donc avec Olivier Verdon, qui est ton coéquipier dans l'axe central. Ouais. Donc, et là, tu vas jouer avec Messi. Au niveau des caractéristiques de jeu, est-ce que ça change toi quelque chose pour toi? Non, ça change pas forcément. T'es axe droit, on rappelle? Oui, axe droit, axe gauche. Tu peux jouer des deux côtés? Ouais, je peux jouer des deux côtés. Par exemple, avec Olivier, au début, je jouais plutôt axe gauche la saison dernière, et cette année, ça variait. Ça variait, mais ça me dérange pas plus que ça. Puis voilà, mais si on a des automatismes aussi ensemble, donc voilà, ça se passe bien avec les deux. Donc voilà. Toi, eux, ils sont grands, ils sont physiques, et toi, t'as un petit peu la vista. Ouais, non, mais même si je suis plus petit, voilà, je sais mettre. Je suis un vieux. Moi, on m'a toujours appris qu'il fallait un petit, intelligent, et puis un grand costaud en 4. Non, c'est pas que ça. Et aussi, même s'ils sont grands, et voilà, c'est pas des bourrins. Ah non, mais j'ai pas dit que c'était des bourrins. Non, je sais. D'ailleurs, moi, mon idole, c'est Didier Sénac. Ouais, alors voilà. Et le mec se dit, mais. Je sais pas si c'est vrai, mais ça me fait plaisir. Et le mec te dit, j'aime pas les bourrins. Tu vois, pas loin pour lui, je supporte pas. Didier Sénac n'était pas un beau, hein. Ouais, voilà. Oui, bah, il avait quand même. Oui, enfin. Jambes, mais il se faisait respecter sur Internet. Il a mis des tartes, mais il a pas cassé de jambes. Oui, alors. Exactement. Alors, sur le chat, on précise parce que t'as dit tu vas jouer avec Messi. C'est Messi, Biatou. Moussoka et pas. Non. Valait mieux que tu t'arrêtes. Oui, je me suis lancé, j'ai vu Biatou, j'ai fait wop, pop. Ouais, bon, une fois que t'es parti, il faut y aller. D'ailleurs, Messi qui va jouer contre son club formateur, ouais, ce week-end. Est-ce que t'as pu parler? Est-ce qu'il vous a un peu parlé de ses anciens coéquipiers ou pas? Ouais, si, on va sûrement en discuter. Vous avez encore une semaine. Gentiment, puisque voilà, c'est sûr qu'il les connaît très bien, donc ça peut toujours servir s'il a 2-3 tuyaux à donner. Même si voilà, on a regardé leur match, donc on en sait un peu plus sur eux. Mais bon, on va surtout se concentrer sur notre jeu avant de penser à l'adversaire. D'ailleurs, Le Havre qui passe Monaco en demi-finale, est-ce que ça a été surprenant pour vous? Après, nous, on les a pas dans notre pool, on n'a pas vraiment de moyens de les suivre, mais voilà, justement, on savait par Messi que voilà, Le Havre ça joue, et puis s'ils sont sortis de leur pool où il y a notamment des belles équipes comme Paris Saint-Germain, c'est que voilà, forcément, ça joue bien. Regarde depuis les 20 dernières années tous les joueurs de très très haut niveau qui sont sortis du Havre. C'est pas surpris si on regardait la liste. Les plus connus, bon, le Taleng, Souleymane Diawara, Dora Asso, il y a eu un paquet. Mahrez, Ouais. Enfin, c'est hallucinant. C'est vrai que Le Havre, c'est une équipe qui végète. Ça fait un moment qu'ils ne sont pas remontés en Ligue 1. Cinema Pongol et, ouais, Cinema et le Talak qui vont à Liverpool. Ah tiens, puisqu'on parle de Cinema Pongol, excuse-moi, je viens d'y penser. Tout à l'heure, tu parlais de Varane. C'est un peu. Qui a fait un petit peu le même parcours que ces deux joueurs qu'on a cités, le Talak et Cinema Pongol, qui sont partis très jeunes dans un gros club, même si Varane est passé par Lens. Mais il est quand même parti très jeune dans un des plus grands clubs du monde, comme eux l'avaient fait à Liverpool. Est-ce que. Toi, ça te ferait pas peur ou t'es plus dans ce qu'on a entendu ces derniers temps, par exemple un Kylian Mbappé qui dit non, moi je veux plutôt prendre le temps de rester, de grandir, de machin. Bah, après, tu vas me dire c'est dur de refuser. Bah, c'est vrai que le Real de Madrid, c'est après ça dépend du joueur aussi. Il faut savoir si on est prêt pour partir loin de sa famille, loin de ses repères. C'est sûr qu'il aurait pu rester. Il était bien, il était chez lui, etc. Bon, il a décidé de partir. Moi je sais pas si je pense que si y a le Real Madrid qui vient Ben non, tu refuses, allez. non mais c'est pourquoi pas, je sais pas. Non, parce que on a vu beaucoup de joueurs on a vu pas mal de jeunes pour qui ça a marché, et on en a vu aussi malheureusement pour lesquels ça c'est moins bien, notamment le Talek et Cinema Pongol qui ont pas eu, je pense, la carrière qu'ils auraient dû avoir, même s'ils ont fait une très bonne et que ça les a pas empêchés de rebondir, mais ils sont partis très tôt, très jeunes, et c'était un petit peu délicat. Thomas. Ouais, moi j'aimerais savoir juste, je sais que t'es au Girondin depuis 5 ans, tu m'as dit. Bientôt 5 ans. Ouais, bientôt 5 ans. Donc je me doute que tu as un agent, si je ne me trompe pas. Tu as son numéro? Parce que lui, il en cherche un. Non, je voulais juste savoir si tu avais été approché par d'autres clubs. Non. Tu crois qu'il va te le dire? Non, mais on ne parle pas du tout de ça. Je suis vraiment... pour l'instant, j'ai un contrat. Donc honnêtement, non, on ne parle pas du tout de ça. Il me conseille plutôt sur ce que je dois améliorer dans mon jeu, etc. Mais on ne parle pas de... D'accord, il t'aide un peu, il t'apporte un apport au niveau du jeu, il te conseille un peu. Il me conseille, regarde, il vient souvent voir nos matchs, il a un œil avisé. J'ai une question sur le chat, on nous demande... D'ailleurs, qu'est-ce que ton agent te conseille d'améliorer? Donc, quels sont les points pour toi que tu dois améliorer pour passer un palier, peut-être un prix en Ligue 2 ou passer en pro directement avec la Ligue 1 des Girondins? Techniquement encore. Après, je suis assez critique avec moi-même, donc je sais aussi ce que je dois améliorer. Je me voile pas la face. Je sais que techniquement, sur certains entraînements, notamment dans les jeux réduits, c'est encore insuffisant. J'ai du déchet. Donc essayer de gommer ça. Et puis après, on peut progresser dans tous les secteurs. Encore améliorer la détente, l'anticipation, être plus dur dans les duels, plus solide. Tu parlais tout à l'heure de potence. Est-ce que un Pierrot Labat est encore présent? Est-ce qu'on peut faire encore appel à lui? C'est une question d'Adrien. Bien sûr, il est encore très présent. Il fait notamment technique, je crois que c'est avec l'U17 nationaux, même avec les plus petits, avec la préfo, etc. Il est à disposition si on a envie, il suffit de lui demander. Je pense que ça lui pose pas de problème de nous aider. Oui, pardon, il intervient aussi sur les féminines. Les féminines, il vient d'ouvrir une chaîne YouTube d'ailleurs. Intervenir sur certains pros, non, ouais. C'est pas possible. Mais il le fait, de temps en temps, il l'a eu fait. Diabaté l'a fait. Qu'il le fasse plus. Diabaté l'a fait, alors ça, c'est ce que je sais. Mais il est à disposition. Après, on le souhaite ou pas, mais il est là. Et puis, connaissant sa passion et sa générosité, ça ne gênera pas. C'est un garçon qui a quand même une. C'est sûr qu'on progresse. On progresse. Moi, l'année où j'ai le plus progressé, c'est techniquement, c'est en U17 nationaux. Et c'est tous les lundis, quasiment, sans exception, où on fait de la technique pendant, 45 minutes, peut-être 30 minutes. Avec Pierrot sur le synthétique, et honnêtement, quand je suis sorti du D7 nationaux, c'était vraiment différent. C'était autre chose. Il a eu le mur en bois ou pas sur le synthétique? Son mur en bois, là, c'est ça. Il voulait un mur en bois pour. Il y a une petite. Pour taper petite dessus partie, ou... Un mur en bois, et puis après, il y a un petit mur en pierre là qui borde le long du terrain, on s'en sert aussi. D'accord. Avec des cibles sur le mur en bois. C'est le top, tout est calculé. Bah ouais, de toute façon, on le répète souvent à longueur de semaines et d'émissions autour de cette table. On ne naît pas, enfin, sauf génie, mais on ne naît pas footballeur ou bon footballeur, ouais. Donc ça se travaille. Et même Ronaldinho a travaillé. Donc mais tous, si tu regardes Beckham, il n'est pas devenu le meilleur tireur de coup franc au monde à la naissance. Zlatan, tous, Ronaldo, Messi, qui tu veux, c'est, voilà, c'est des bourreaux de travail, ces mecs-là. Alors après, bon, il y a ce qu'on peut encaisser aussi en termes de charge de travail, mais c'est vrai que... Tu as fait toute ta formation au Girondins. Donc tu as eu, donc, j'imagine, en 17 régionaux, M. Dogon. Oui, c'est ça. Tu as eu M. Penalva. Oui. Tu as connu M. Lucas en 19 ou pas? Non, je ne l'ai pas connu. Je l'ai eu à quelques entraînements et un match en fin de saison. Mais sinon, non, je ne l'ai pas eu, puisque après, c'est M. Dogon qui l'a remplacé. Donc tu es passé après donc, chez M. Battiston, M. Espanol et puis M. Bagny, c'est ça? Bagny, oui, c'est ça. Quelles sont leurs méthodes de travail et quelles sont leurs manières de te faire évoluer dans ton football à chaque fois? Parce que M. Penalva a plutôt une réputation de coach offensif. Maintenant, tu es avec M. Dogon et puis M. Battiston, qui sont des coachs qui ont fait leur grande carrière au poste de défenseur. Quelle est leur vision du football et quelles sont leurs différences? Commencer, c'est vrai que Monsieur Penalva, voilà, il aime bien le beau jeu, mais le beau jeu efficace. C'est vrai qu'il aime bien l'attaque, puisque c'est comme ça qu'on gagne. Hein. voilà. Techniquement, on progresse beaucoup en U17 nationaux. Puis après, le niveau auquel on joue aussi, voilà, ça va avec. Hein. C'est sûr que quand on joue à un niveau national, on progresse plus vite que quand on joue en U17 régionaux, par exemple. Mais c'est vrai que c'est des étapes. Moi, par exemple, en U17 régionaux, quand je suis arrivé, je manquais d'agressivité. Donc, c'est là où j'ai le plus progressé en U17 régionaux. Après, en U17 nationaux, c'était sur le plan technique où j'ai beaucoup progressé. Et puis en U19, c'est un peu un mélange des deux. Et après, en CFA, voilà, on joue contre des adultes. Donc, voilà, physiquement, c'est un autre engagement. Les lectures, peut-être ? Lecture du jeu ? Ouais, lecture du jeu aussi. Il faut voir plus vite. De toute façon, plus on monte, plus faut voir vite. Voilà, après, c'est sûr, ils ont des méthodes de travail différentes. Je ne dirais pas que c'est axé plus sur un football défensif en CFA 2 avec le coach Battiston. Voilà. Est-ce que, puisque tu as suivi le cursus entier, est-ce qu'il y a des changements de circuit préférentiel de passe? Est-ce que déjà, depuis que à chaque fois qu'il y a un nouveau coach professionnel, est-ce que ça change? Est-ce que ça évolue? Est-ce qu'il y a une réelle recherche là-dessus de la part du club? Je crois savoir que depuis quelques temps, ils aiment bien que les équipes de jeunes jouent avec le même dispositif que l'équipe professionnelle. Alléluia. Depuis des années que je... Donc voilà, oui, ça change en fonction des entraîneurs. Après, je sais pas vraiment si avec tel ou tel entraîneur on prône au niveau des jeunes un football plus offensif ou plus défensif. Et au niveau des circuits des passes, quand tu te retrouves avec les pros, est-ce que c'est des circuits que tu as déjà connus? J'imagine que ça va beaucoup plus vite. Ouais. Mais est-ce que c'est des... Après, il n'y a pas... Je ne sais plus le mot. Ouais, il n'y a pas forcément pas des grave. Circuits préférentiels. Il y a des choses voilà, que c'est sûr qui ne passent pas en pro, alors que ça passe, par exemple, au niveau en dessous. Éviter le plus possible les passes trop latérales. Enfin, du moins, quand y a une opposition en face, pas quand on est tranquille. Passe dans l'axe aussi, il faut vraiment que... Parce qu'en plus, ça dépend des tu as un poste essentiel, c'est-à-dire que dans le football moderne, tout part de toi, enfin du gardien, de l'axial. Ouais. Donc c'est toi qui as la première touche de balle. Ouais. Donc, faut pas se manquer. Oui. Non, les passes dans l'axe, faut mettre les milieux dans les meilleures circonstances. C'est-à-dire que si on est assez bas et que... un milieu vient décrocher mais qu'il est dos au jeu et qu'il a un joueur dans son dos, voilà, vaut mieux éviter de lui donner, sauf si vraiment on est sûr qu'il puisse la garder, qu'il puisse ressortir proprement. Laurent. Ouais, Jules, comment expliques-tu que lorsque les joueurs professionnels descendent dans le groupe, ou en CFA, ou l'année dernière en CFA 2, enfin, cette saison CFA 2, ça ne soit pas forcément significatif au niveau du jeu? Est-ce qu'on attend trop des joueurs pros, ou on s'est aperçu qu'il y avait parfois des défaites, ou que les pros justement n'avaient pas forcément la possibilité d'étaler leur talent Ouais, c'est vrai que des fois, voilà, ils descendent, on pense que voilà, c'est des pros, donc forcément ça va passer, on va gagner facilement, mais on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Ben déjà, ils évoluent pas dans les mêmes conditions, dans le même, on va dire, entre guillemets, confort que quand ils jouent en Ligue 1. Les terrains, bon, CFA 2, ils sont difficiles, ça rentre plus dedans. Ouais, c'est différent. Je sais pas vraiment comment l'expliquer. Mais après, c'était plutôt au début où, quand ils descendaient, notamment le premier match où on n'a pas eu des trop bons résultats. Mais après, ils nous ont beaucoup apporté. Je trouve que voilà, sur certains matchs, des fois, heureusement qu'ils étaient là pour faire la différence. Ils amènent l'expérience. Ils savent quand il faut calmer le jeu, quand faut accélérer. Cette saison, je trouve que voilà, ils ont fait le taf avec nous, ils ont pas triché, ils nous ont apporté des choses intéressantes. Sur le chat, on a, t'inquiète Thomas, je t'ai vu. Sur le chat, on a le bien nommé Raymond qui nous dit super mentalité, vraie réflexion sur le jeu de la part du petit Koundé. Et puis alors ça c'est pour nous, il dit je sais pas si c'est la présence de deux journalistes à côté qui motive, mais l'interview est super. Non, on est normal. Merci, c'est gentil. J'avais une question pour la fin. On est nature. Est-ce que tu as conscience que Pierre t'écoute? Pierre? Bah ouais, mais... Ah si, j'en ai entendu parler. Ouais. Parce que vu qu'il nous expliquait quand on l'avait vu, il a tout dit, quoi. Il faisait les formations, comment parler dans les médias, formation avec les jeunes Twitter, de la formation. Ça, ouais. Généralement, il écoute ou il réécoute les podcasts. Honnêtement, alors, attention. C'est pas pour vanter, toujours glorifier le club, machin, tout ça. Des jeunes, on en a eu pas mal cette saison et même les saisons dernières. Honnêtement, on est à chaque fois tombé sur des gamins qui... Enfin, je vais pas vous tomber dans le cliché, mais on en entend parler souvent à droite, à gauche, dans d'autres clubs, dans d'autres machins, dans d'autres trucs. Il y en a même à Bordeaux. Et même à Bordeaux, des fois, bon, c'est un peu... Mais là, franchement, à chaque vas-y, fois... Vas-y, balance des noms, là. Non, mais... Allez, assume, là, vas-y. Non, mais voilà. Bon, bref. Certains AO. Non, mais... Non, même pas, même... Hein? Non, mais voilà, je veux dire. Mais je plaisantais, les gars. Il y a des jeux. De... Non, mais pas nous. Après, est-ce que vous assumez d'être avec nous ou pas? Nous, on s'en fout. Nous, on n'a rien à perdre. Nous, c'est. Ouais, Media Training, nous dit Raymond, c'est exactement ça. Nous aussi, ça nous motive. On est parti sur quoi? Je sais plus. Donc voilà, mais tu parlais des interviews de Lucas, Raphaël et Mathieu. Je trouve qu'à Bordeaux, on a la chance d'avoir justement des gamins qui se contentent pas de dire voilà, je suis content et c'est super. On est quand même bien, on est vraiment bien encadré. C'est au centre de formation, voilà, on fait tout pour nous mettre dans les meilleures conditions. Au niveau des études, etc. Voilà, vraiment, c'est... Bon, c'est après, t'en as toujours un qui fait une chicha avec un maillot de l'OM et qui le fout sur Instagram. Ça, on n'est pas à l'abri. Mais ça, Jules a dit, moi, jamais. Alors, Jules, juste le maillot de l'Andiras, il a dit. Alors, Jules, je sais que tu l'as peut-être pas côtoyé, mais moi, il y a juste une question, mais t'es jeune, t'es beaucoup plus jeune que moi, tu maîtrises beaucoup mieux sûrement peut-être les réseaux, Instagram, tout ça. Alors moi, j'ai quand même une question. Mmh. Aujourd'hui, je ne conçois pas qu'un joueur qui mette une photo sur Instagram ne se doute pas une seule seconde de ce que ça peut, ou Snapchat, de ce que ça peut engendrer. Je veux dire, comment aujourd'hui, quand t'es jeune, que t'as entre 18 et un peu moins que moi, on va dire 18 et 25-30 ans, vous êtes conscient quand même que tout ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, ça peut, derrière, suivant ce que c'est, poser problème. Et moi, ça, je comprends pas comment les mecs, des fois, mettent des trucs... Tu te dis, mais c'est pas possible, il le cherche. Il y a un moment donné, tu te dis, les mecs, ils cherchent, c'est pas possible. T'as tellement envie, vas-y, balance les noms. T'as tellement envie. Mais non, mais pas que Poco. Il y en a plein dans tous les clubs. Regardez, dans tous les clubs, il y a des mecs qui font ça. Poco, ça s'est su, mais il y en a d'autres où ça s'est pas su. Oui, non, mais voilà, je veux dire. Après, des fois, c'est vrai que. Comment ils peuvent se dire, ça va passer? Des fois, je pense qu'il y a aussi de la maladresse. Par exemple, Poco, il me semble que c'était. Bon, c'est sûr que c'était. Peut-être pas très, très malin, mais je crois voilà c'était un maillot de... Oui, de son pote Lemina. Après, c'est sûr que on sait que c'est vite repris, donc faut éviter ce genre de choses. Après, voilà, de la maladresse, un selfie, on va lui un MMS et c'est réglé. Non, mais en fait, Poco... Ah oui, parce que... Non, mais... L'avocat. Mon client. Non, mais en fait, Poco, j'ai discuté avec celui qui a... qui a partagé la photo derrière sur Snapchat. Sur Snapchat, il avait. Non, mais c'était même pas son ami. C'est sur Snapchat, il avait. Il pensait avoir verrouillé à peu près son. Son réseau, mais sauf qu'un jour il a posté une photo, un screen, et il y avait son identifiant dedans. Et lui, c'était le seul à avoir vu, et il l'a ajouté. Voilà, c'était une personne qui l'a vu. Comme quoi, il faut aussi être vigilant, vraiment presque tout verrouiller, parce que il suffit que, vu que ça, il pensait le partager qu'avec ses potes. Et c'est sûr que ça s'est retrouvé sur Twitter. Après, il faut jamais oublier, alors c'est peut-être injuste, mais c'est comme ça que le footballeur, en tout cas professionnel, véhicule l'image du club. Il implique toujours l'image du club, que ce soit le jour, la nuit, en exercice, en vacances. C'est peut-être injuste, mais c'est comme ça. C'est la personnage de la vie d'une personne publique. Il faut toujours avoir ça à l'esprit, je pense. Alors ça restreint, mais on sait quelles sont les contraintes de la vie de footballeur. On sait quels en sont les avantages aussi. Ça peut aussi passer par une maîtrice de la com. Et bon, après, on est jeune aussi. On a tous été jeunes. Après, tous Poco, ce qui était plus choquant, c'était son niveau de jeu en latéral droit. Mais... Non, mais vous vous rendez compte qu'on a un jeune capitaine et qu'on lui parle de Poco? Non, mais. Là, il n'y a rien de mieux pour. Poco, c'était l'exemple que pour globaliser un petit peu tout ce qui est maintenant les jeunes joueurs. Il y a encore 10 ans, les réseaux sociaux, je suis sûr. Enfin, Laurent ou Julien, ou même Cyril, on a. Honnêtement, du temps des années 80-90, même du temps des années 2000, des Dugarry, des machins, des trucs comme ça, écoutez Dimeco parler RMC, il disait, mais à l'époque, on aurait les réseaux sociaux, mais on se fait flinguer, flinguer en place publique. C'est juste qu'à l'époque, ça sortait pas. Ben aujourd'hui, t'as Facebook, Snapchat, mais Instagram, aujourd'hui, Internet. Aujourd'hui, il y a Claude Pes qui est là pour enseigner ça. Alors, ça ne sortait pas, mais ça les empêchait pas d'être vus en boîte de nuit, d'être vus dans des soirées. Voilà. Donc, mais c'était pas instantané à la seconde, tu vois. Non, mais tu sais, dans des villes comme Marseille, si on parle de Dimeco, c'était essentiellement Marseille, même s'il a fait d'autres clubs, ça se sait vite. Surtout là-bas, l'exposition, elle est permanente. Bordeaux, c'est un peu plus feutré, un peu plus calme, mais tu sais très bien. Moi, je suis pas dans les soirées, je sais très bien ce qui s'y passe parfois. C'est très, très facile à repérer. Non, mais sans dire qu'il y a des choses graves, c'est pas ce que je veux dire. Comme je disais il y a quelques secondes, tu es jeune, tu as envie aussi d'aller boire un verre, de décompresser, c'est pas interdit. Mais ça implique toujours une certaine tenue, et il faut jamais oublier que c'est l'image du club, voilà, et de l'institution. Messieurs, 21h56, on va passer à la pause. Une dernière question. Juste, on va te souhaiter donc une grosse merde pour ce week-end et que tu sois célébré comme premier capitaine vainqueur du championnat. Puisque faut elle savoir se joue que la finale à Saint-Nazaire. Oh la vache. Il faut savoir que depuis 2009 et la refonte du championnat, Bordeaux n'a jamais atteint ce niveau-là. Donc vous pouvez rentrer dans l'histoire du club. Donc, C'est vrai. C'est donc vrai pour ceux qui sont du côté de Saint-Nazaire, si vous voulez y aller, c'est dimanche à 16h. Pour tous ceux qui ne pourront pas y aller ou qui ne seront pas sur place, c'est Canal Plus Sport à 16h également. Voilà, Jules, on sera. Dis-toi que vous serez peut-être tout seul là-bas à Saint-Nazaire. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de supporters bordelais, mais en tout cas, je pense qu'on sera pas mal derrière notre télé. À vous pousser, à vous supporter pour battre cette équipe du Havre. Ah ben on espère bien. Et puis du coup, samedi, il y a la Coupe d'Aquitaine, donc ça se joue. Ça se joue à la Bred. Voilà, pour le coup, c'est beaucoup plus accessible. Donc voilà. Pour aller supporter les Girondins. Oui, Alexis. Pour qui est Julien sur cette finale? Parce qu'on rappelle que je travaille à radio, là je Cap Ferret l'été. Donc je voudrais savoir quand même. C'est important le pour les gens. Le cumul je travaille des plus pour Radio Cap Ferret, j'ai travaillé, c'est vrai. Moi je suis de l'Eche Cap Ferret, j'ai grandi là-bas. Oui, je sais. Donc pour moi cette finale c'est un déchirement. Parce que mon fils joue pour le club de l'Eche Cap Ferret, j'ai joué au foot pendant 11 ans à l'Eche Cap Ferret. Et en face, il y a mon club de cœur, parce qu'on va en parler après, mais Bordeaux, je les suis depuis très très longtemps aussi. Donc voilà, je suis partagé du 50-50. Je vais être heureux, quel que soit le. J'allais dire, est-ce résultat. Que c'est pas plus ça finalement? T'as deux clubs que tu kiffes, oui, t'es oui, payé. Oui, c'est sûr. C'est nickel. Voilà, je serai content quoi qu'il arrive. On vous donnera évidemment tous les résultats lundi prochain dans GA. On termine. Merci. Et donc merci Jules, j'allais le remercier. Merci à vous tous. Hein. Et puis surtout, écoute, l'année prochaine, on compte sur toi et puis on te recontactera pour une prochaine émission. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci beaucoup Jules. Au revoir. Messieurs, on va passer à la pause et puis on revient nous dans, allez, on va dire une petite quinzaine de minutes dans Gironde Analyse sur RJ. On garde Laurent et Julien qui vont nous parler en deuxième heure de leur bouquin. Sur les supporters à Bordeaux, voilà, on se retrouve dans les 10-15 minutes après la pause. À tout de suite.